corto. Vous écoutez l'accroche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à l'accroche-oreille, heureux de vous retrouver pour cette première de la cuvée sonore 2023. Alors, bonne et très heureuse année à venir, évidemment, que la santé est de mise pour toutes et tous. On retrouve beaucoup de projets sonores de grande qualité diffusés chaque année, des projets dont il est difficile de diffuser le contenu par manque de temps sur les ondes, c'est évident. Alors, au cours de la saison, je vous présenterai quelques émissions mixées de travaux sonores et de musique nouvelle d'origines diverses, des nouveautés, mais aussi des pièces vintage marquantes dans l'univers sonore, histoire de faire entendre, d'écouter des œuvres d'artistes et de créateurs du Québec, certes, mais aussi d'ailleurs, des artistes qui sont passés parfois sous le radar. Et on débute ça ce soir avec un album intitulé « Hirat ». C'est des créateurs iraniens, Farhad Jenasiri, on l'appelle Tarun, et Siavash Hakim. C'est un album de chants, de trompettes et de bourdonnements plutôt envoûtants. Vous allez voir, on dit que les fans d'orchestres de musique de chambre, post-rock, de sonorités minimalistes et d'incantations émotionnelles seront contentés. Alors, c'est des gens du magazine Igloo qui font ce commentaire. Alors, composé durant l'hiver de 2015, l'album évoque les vents qui hurlent, les clôtures, les fenêtres et les cordes qui vibrent. Les voix résonnent, se déforment et se dissolvent. En nommant cet album Hirat, Tarun et Hakim se sont tournés vers le mot gallois « Hirat » pour décrire un désir, disent-ils, ardent d'un lieu, d'un foyer de vie qui n'a peut-être jamais existé. Alors, je vous propose qu'on écoute les deux premières pistes de l'album. Thank you. Thank you. Je vous présente maintenant le bel album du compositeur Leo Shadburn, composé entre 2011 et 2020. Ça s'intitule Slower Talker. L'album explore un monde sonore inspiré d'un piano à la dérive et d'harmonie de cordes. C'est peuplé de silence et de sonorités musicales très subtiles qui encadrent, dit-on, des voix off parlées et des chansons éphémères. L'environnement sonore et musical fait appel à des interprètes très chevronnés, des musiques expérimentales, l'ensemble Apartment House du Royaume-Uni et le quatuor Bosini que j'ai reçu en fin d'année 2021. Deux ensembles qui œuvrent aux côtés de la pianiste Kate Alsall et des voix de la compositrice et comédienne Gemma Saunders qui est du Théâtre national de la Royal Shakespeare Company. Alors, on raconte sur la pochette du disque que la palette musicale est influencée par la musique minimale, les arts visuels et le cinéma structuraliste, ce qui fait que les textes s'ouvrent sur un monde plutôt inattendu. La pièce Indistinguishable, je traduis là, la pièce intitulée Indiscernable, englobe par exemple une liste de 70 noms d'espèces de papillons. Je vous propose qu'on écoute ça. The satellite. Strange wave. Rhomboid tortrix. The Many Lined. Clouded border. Lunar double stripe. The passenger. Gold triangle. Small black arches. Sorcerer. The traveler. Small grass. Chalk carpet. Clouded August thorn. Pine processionary. Frosted green. Bordered pearl. Scarlet tiger. Map-winged swift. The forester. Merveille du jour. Peach blossom. Beautiful golden Y. Mother of pearl. Festoon. yellow-horned. Feathered beauty. The gem. The non-conformist. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. Restez des nôtres, je suis de retour en compagnie de Asie Montagne Mystique après un bref battement promo. The geometrician. Tamarisk bloom. The Vestal. Chinese character. Fiery clear wing. The flame. The phoenix. C. K. R. L. 89.1. Vous écoutez l'accroche-oreille. Alors voilà, on est de retour, c'est l'accroche-oreille avec vous jusqu'à 22h. Je vous rappelle que vous retrouverez les pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille. Et au programme de cette deuxième demi, je vous propose un projet sonore magnifique réalisé par Chittakone Bakam. C'est un artiste sonore au centre du projet Asie Montagne Mystique et membre du collectif Jeunesse Cosmique. Je vous propose l'écoute ce soir de pièces tirées de l'album intitulé « Tu ne te retourneras pas ». Il s'agit d'un album qu'on peut qualifier d'inclassable, signé Bacam. Les titres à eux seuls sont très évocateurs. Vision de l'invisible, J'attends lentement pour une dernière fois, La fille inoubliable. Bacam raconte sur un ton poétique que la montagne sacrée est recouverte d'une toundra arc-en-ciel miroitante parsemée de mystères. À son sommet, il y retrouve l'esprit freak et des aurores en liberté. Jamais découragé, il y voit l'amour de ses yeux. Il nage seul sur la cime, il s'y noie. Je referme les guillemets. Chittakun Bacam collabore avec plusieurs fugueurs expérimentaux, dit-il, issus de son collectif Jeunesse Cosmique, ainsi qu'avec des artistes visuels. Je vous propose donc l'écoute d'un enchaînement de créations tirées de cet album très beau, intitulé « Tu ne te retourneras pas » de Chittakun Bacam.

寒さしのぎの重ね着の旗にかけたる式わらに野焼きの煙がはためいて薄ぼんやりと霧がすむ川の浅瀬に山目の背陸に上がるは鏡の目玉ねぎ坊主にしもおりて川蝉鳴く声からげん朝のささやきささやかに天の架け橋駆け上がり竹ぼうきの音がさざめいて眉玉のような雪が降る もうろくに覚えも悪くに要領よくとはいきません。もうろくとしたのも僕の心の洞窟にそこはがとなくどこかよそよそしくそよぐ痛いけない知人の風に吹かれやけに不慣れな空を泳ぐ一塊の雲がどことなく頼りなさげに心もとなくもろくともるの残るありったけの余力で望むが涙で前が見えないほどに限られた命に先駆けありやけの月の下で愛に盲目になり果てた我未だに奥深の無垢の無曇り冷たく移ろいゆくのを諦めきれずに 調べて一人一人の心の中にあるとされる命の気づきを本当のこと など誰も何も知らぬ間に時を費やし悔やしから無駄に痛快過ぎ去り気が付いた時に教えて急ぎ胸ぎこちなく急いや失望自得では命は捨てる昼間ともに落ち着いて死にいき急ぐより忍びの道を知る 一度きりの道を知り二度と巡り来たらぬ今の心模様は未来叶い悲願に咲くボタン 終わり。 Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de Chittacone, Bacam et Asie, Montagne Mystique. Vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche Oreille ainsi que sur les plateformes Bandcamp et Cool & Stuff. Je vous rappelle, il s'agissait des travaux de Léo Shadburn, de Tarun et Hakim. Alors pour clore l'émission, je vous propose l'écoute de deux pièces tirées de l'album de Chittacone, Bacam, Tu ne te retourneras pas. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Alors ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.